Nuisance sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Ce soir, il y a des invités qui sont un peu barjots, mais il faut les excuser, ils sont humains. C'est pas de les hayawana, ça c'est sûr. Un peu de respect. On a la adem. Eh, belle la femme, moi, quoi. Ouais. Elle est comme moi. Non. On n'accepte pas ça, censurer, s'il vous plaît, monsieur. Khatera. C'est fatal. Respect. Va te faire reculer. Ouais. Respect, nigga. Un cal t'as zébé là. Respect, mon ami, tu connais, je joue pas le steak. Je m'en bats le beefsteak moi aussi. Je joue pas le steak, même le beefsteak. Respect, nigga. C'est bon, ça fait pas chier s'il te plaît. Nuisant sur Canal Sud, tu connais, en mode Toulouse, en mode Réunina, pour mes rapsa qui sont là. Des Algériens. Ça fume du Z là. Les Sénégalais. Molotov. Ok. Andortov. Mets-moi du sang. Alhamdallah, ça va. Tu y es là. Check. Moi du récrosse. Ougna maman. Al. Un gars là. Al, tu m'entends? Ouais. Mais moi du récrosse. L'instru récrosse, believe it. Du lourd. Ouais, du lourd. Non. Oh, j'big, Habib, j'big. Mais y'en a pas de récrosse. Si. Non, y'a pas. Assalam alaikum. Ça va. Non. C'est pas ça, la khali, que non. Ouais, c'est ça là. Ok. Merci beaucoup. Yeah. Ok. Négro. Yeah. Yeah, poteau, tu regardes de travers, tu vas te faire fumer. Faut pas te vexer, la gauche levée, une banane, tu rap banal. Villa sur la corniche, normal, fait péter. On s'en bat les pètes, la diète avec un peu de sac, ma fucking pense. 2h du mat, en mode fantomas, zoné, ça faut pas déconner. La galère, je la connais, nique les condés, va te faire enculer. Faut pas blaguer, tuer, je vais tuer, claquer, lynxer, lécher. Même si t'es mort, on va annoncer ton décès à la mosquée, la mort. Je regarde niquer de Paris à Dakar, je fuck des cratères. Bande de fils de bâtard, vous êtes tous en retard. C'est trop tard, Khalifa rap trop tôt. Rap, ça va faire danser même les canards. Fais-moi porter négro le brassard. Tu une vie, une life de mieux de mer. Lascar, je vais t'écraser comme un canon. Car parmi les cons de nous, on s'en bat les bêtes, le bédo. Pédo, yeah, négro, toujours un négro, toujours un tu connais avec les rues, on fait du sale, on fait du mal, on va se battre, yeah. Hein, yeah. Ok. Yeah. Va te faire un cul. On t'entend pas là. Si. Allah. Non, Allah. Allah, il te voit, mon ami. Quand tu l'insultes, t'inquiète. Sahbi, mon ami. Retourne, Jean, le putain de voix, mon frère de la sagesse. Ça fume, hein. Toi aussi, ça fume, hein. Non, ça fume pas. Sartek. Salut, le mec. Sénégalais. Yes, I. C'est la diversité, mon ami. On est diversité, je sais. Canal 12, Canal 92, 2. Tu connais, c'est Canal Sud 2, mon ami, je suis en mode Nirvana. Tu connais, ça fume le putain de Z là. À la galette. Ok. Laisse parler les deux. laisse parler les douilles, douilles, douilles. Je vais faire parler les douilles, douilles, douilles, douilles. Nous on s'en s'en bat les couilles, couilles, couilles. Nous on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Et laisse parler les douilles, douilles, douilles. Je vais faire parler les douilles. J'arrive, je vais être le rap game. Bat les couilles du rap game. Posé, calé avec les refrains. Réunion, Guadeloupe, Martinique, Algérien, Tunisie, Maroc, Dakar, Galtienne de Paris à Panama, Marseille, Montpellier, Toulouse. Puis à Patarlo, si tu fais le bon tour, t'en verras à 12. Don't worry, man. Okay. Okay. Yeah, yeah. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Didi le Sénégalais. Faut pas déconner. Didi le Sénégalais. Déconner. C'est le quiz d'un boba. Ok. Yeah. Trop opposé. Trop opposé. Trop opposé. Tout le printemps, y'a voilà, y'a j'arrive, va tu tailles. Du moins, poto, c'est quoi les bas? Je viens de ticket 221. Galtine en mode racaille. Pour ça, j'impose avec mes paroles. Seigneur, fais mon steak sec. Seigneur, je te rappe un deck d'excellent au bout de mon stylo. J'suis pas ton niveau, négro. Je filme, j'explose ta conso. Tu vas finir ma rigole. Jaloux, je les enterre. Jusqu'à un retour à l'école, élémentaire, primaire, fuck girl, c'est l'hypothèse, pépère, on fait du sale, on fait du mal sur nos yeux mentales. J'ai vu vos ragards mal, tu te retrouveras dans à l'hôpital. Hey bitch, je te fuck en mode abilité, le garçon, le garçon dans mon whisky jean. Ça, tonight, tu pas clean, tu te mesures à la taille de mon jean. Je sors mon calage, tu vas te coucher, je vais te coucher, je vais te clasher, je vais te lyncher, mince. Négro, on a les crocs, yeah. On est là en mode pélo. Tu connais, au vu du bédo, tu connais. On est là dans le quartier, en mode sensei. Pas de la dilafé, tu connais, c'est un rayonné. Un petit gars qui fait pas de la dilafé dans son quartier. Ok, avec Baïfal, en mode déguenard. Ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mirabel, Fontaine, René, Ripagatelle, Ampolo représente toutes les cités. On s'en bat les couilles. Toutes les cités. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. C'est Toulouse, on s'en bat les couilles. Ok, yeah. On s'en bat le raclaï. Ici à Toulouse, y'a pas de tarlo. Tu fais le bon ton bras à 12. Va te faire avec tes billes. Viens pas sympathiser. On s'en bat pas les couilles. Nick les condés. Je vais être tuné. Blendé pendant que vous culez. Je vais pas te laisser me la soucier. Avec les réels de film de la pure qualité. Rapproche-toi de tes amis. Que quelque plus de tes ennemis. Dis-leur qu'ils sont pas à l'heure. J'suis un fuck dealer. Dis-leur, ils peuvent parler. Laisse-leur parler. Ne pourront jamais me contrarié, j'ai accéléré, pourra jamais me rattraper. Je veux mettre bien la daronne, c'est mon objectif. Rien à foutre de ton avis, va te faire foutre. Les vrais, je les connais. Je suis arrivé le dernier, je vais être le premier. Number one, motherfucker, je sais que tu kiffes pas le champ. Faut que je fasse du beat, atterrir sur mon étoile de réalité. Je rappe trop logique, attention, ça va faire mal. Khalifa est toujours hal. Toujours pas de focus dans mon entourage. La vérité et le courage. Je me disais ici t'as pas ta place. Ici vas-y dégagé. Non j'ai pas la rage, j'ai la haine. Peut pas la peine, pas la peine. Je sais comment te niquer, niquer salement. Bien j'ai défoncé dans la cité. Tellement Beko, elle est mon Baïfal. 1, 2, 3 les jaloux, un rafale. Bêtu je te nique sale. Je suis trop radical, viens me check si t'as la dalle. J'ai connu une vie galérienne, rien ne t'appartient. Fuck ce système, je viens tu pour tout par tes coups. Tu finiras en chien, en rien, en chien, en rien. Oh. Ouais, retour un peu à l'old school. Canal Sud, just respect. On sait ce qu'ils ont encore pour les gros mots. Bah, c'est l'hip hop. Mais on respecte quand même. On respecte quand même. On respecte notre Yeah. Respect. Merci à Alex Moussa qui nous a invités aujourd'hui. Plaisir. Steve. C'est trop old school, mon ami, t'inquiète. Fuck the shit. I don't wanna go down, I don't wanna go down. I'd rather go up, up, up, up and away. And never gonna stop, never gonna stop. We're just gonna go insane. Insane, fou, barjo. Comme la démence. La tribulation de la folie. Tergiversation, inémancipation. La prison, quelle folie. Fermé entre quatre murs pour l'enfer, l'éternité en enfer, la folie. Pour nos frères et sœurs, spéciale dédicace à tous les cas. Sos, enfermé ou pas, on est là, on est à l'. Mon ami, là je suis en mode galère, toujours en mode c'est bière. Tu connais, c'est la misère. Je t'explique pas, nique sa mère, nique toute cette galère. Mon ami, t'inquiète, un jour je vais faire des billets, repartir au pays. Tu connais, la Réunion, ma petite nation, ça même t'es bon. Moi t'es pas couillon, moi t'es là en mode Zemel, pas en mode Hamel. Mon ami, en mode nique les Hatay. T'inquiète, ça fume du Zamal, tu connais, y'a rien. Yo Allah. De la tête, on en avance, on trace notre route. On s'en sort pas, on s'en sort pas, mais on reste ce soir, même trace notre route. C'est lui, c'est lui. C'est lui, yeah, yeah, yeah. On garde la tête haute, la tête haute, la tête haute. Reste soi-même, reste soi-même. Reste soi-même, reste soi-même. C'est dur comme un mur, mais on reste soi-même. Celle-là. Canal Sud. Canal Sud, ok, ok. Canal Sud, ok, ok. On est là posé. Mais on vous attend les auditeurs, c'est du ça. T'inquiète, ça, mamie. Lâche ton steak. Sors-moi un texte, c'est excellent. C'est ce qu'a de ma mienne. Parce qu'on n'a pas un franc, tu connais. Appelez, appelez, on est là, on est là. On va délirer, je délire jusqu'au bout de la nuit. Délire, mon ami, tu connais. Jusqu'au bout de la nuit. C'est belle, hein, tu kiffes le hip hop, même parce que tu sais. C'est belle, hein, ah ouais, frère. Avec ta belle. C'est pas belle, hein. Fais belle, mon ami, joue pas le steak. C'est pas belle, hein. Fais pas belle, hein, mon ami. C'est pas belle, hein. Fume du Zahamal, tu connais la lyricale, l'instrumentale, les trop fatales. On est là, en mode bâtiment, en mode timal, mon ami, c'est pas trop du légal. T'inquiète, c'est trop fatal, ça fait pète ton mental. T'inquiète, demande à Baïfal, la rafale, tu connais, demande à Al. Ok, il est posé là, ok, Canal Sud, on est là. 92.2, tu connais, ok. Barja barja ya boba, là-bas wahta ya kahba. Ok, la karba, tu connais, c'était une salope, c'était karba. Mon ami, on était là dans la scène, si, ok. Cette salope, elle a voulu nous prendre, tout ça. Mon ami, t'inquiète. Toulouse. Ok, yeah. Toulouse. Yeah, yeah, ok, yeah. Ma vie est à venir, la douleur est à venir. L'horizon me fait rire, yeah. Et le ciel sourire, yeah. Ça peut toujours être pire, yeah, yeah. J'ai mes pans crevés, d'autres fêtes. Le qui reste de dire pour s'envoler. Besoin de personne, martyr. On doit pas pleurer, que ma plus impressionne. Partir vers le succès, quand la cloche sonne. Revenir, je désobéirai une étoile. Yeah. Ok, yeah, yeah. J'arrive en secrète, comme un message privé. T'as peur de l'ouvrir, quand je le délivrerai. Oh, oh, t'es ridicule, t'as des sables de mon boy. Pour au moins une destruite, pour être autonome, ça joue à la culture. Yeah, yeah, se prostituer sur autotune, des bonhommes. Vous êtes tempéré, mon ami. Mon mauvaise caricature, avec mon caractère, je t'efface. Fais pas de caricature, mon ami. Yeah, t'as un gomme croise. Je connais la vie est trop dure. Du photo, okay. Tu n'en écoutes en flanc de toi derrière tes photos. Les chocs sont frontaux. Laisse tu connais au garage, okay. Ta petite moto, je suis dans la okay. MD, ok, au Mac. Je suis là, posé, ok, au mic, ok. Tu connais en mode sensei, ok. Qualité, pas rayonné, ok. Là, je suis posé, mon ami dans le quartier. Avec le reflet, un petit rhum terla qui vient de débarquer. Grâce à Al, mon ami. T'inquiète, il m'a mis Al, tu sais. T'inquiète, on est sur l'instrumental, tu sais. T'inquiète, y'a Baïfal qui nique tout ça. Qui yeah. Fout de la hagla, qui fout le dawa. T'inquiète, okay. On nique tout ça. En mode Yahya, Yahya, il connaît tout ça. Ok. Moreille, comme dirait Booba, Moreille, Yahya. Ta mère Booba. Désolé pour les jurons. T'inquiète, je vends pas de litron pour l'instant. Mort de rire. Avec le Renoir, t'as le clip. Voilà. C'est la pause, mon frère. Ouais. représente nuisance. Nuisance, c'est la merde et on s'encule soi-même parce que moi je suis un gros con et je suis fiante et tout le monde me déteste parce que je suis une merde. Je pue la merde et j'aime ça parce que je la bouffe la merde tous les jours avec mon maïs OGM et mon soja OGM et mes vaches OGM aux hormones et j'aime ça la merde, je la bouffe et je la shit et ouais, nique sa merde. Auditrice et auditeur, on est toujours avec vous sur Canal Sud Toulouse, région Midi-Pyrénées, le Sud, voilà. Si vous écoutez Canal Sud, appelez au 05 71 53 36 95. Vous êtes en ligne, on est en direct, on va délirer. Ils sont pas les couilles, nous. Voilà. Ils sont pas les couilles, nous. Voilà, on délire, voilà, c'était Yahya. On cause algérien, on délire sur Canal Sud. C'est la merde, c'est la merde. Ça c'est Al. C'est la grand merde. Voilà, le truc qui joue du piano, tranquille, ouais. Balance l'instru. Quoi? T'es un amateur t'es dans le piano. Mon gars, t'es fou toi. Non mais regarde, allez, j'en balance trois en même temps. Des voilà. Arrête de boire. Voilà. Ouais. French Montana, ça c'est un bon son, tu vois, c'est un bon instrument, bon lancement ça, ma gueule, ça va arriver tout de suite sur Canal Sud. Voilà, merci Al. Ouais. Allez, on je direct. Save. Je vous laisse apprécier, je vous laisse écouter ce son. Voilà. Attends, je suis en train de rouler là justement. Yeah! Ok. Yeah. Ok. En direct de Toulouse, ma gueule. En direct de Toulouse. Yeah. Panama, Marseille, Montpellier. Ok, d'écouter, j'avais la rage, mais pas la haine. Je me suis dit, bon, et c'est pas la peine. Je sais comment te niquer ça, salement. Dans le sale défoncé tellement. J'oublie pas les refs éléments, bref, à aligner les jaloux. 1, 2, 3, rafale, bitch, je te nique ça. Je suis radical. Viens me check si t'as la dalle. Viens me check si t'as la dégue. Négro, je sors les douilles, je fais parler les douilles. Fais parler les douilles, fais ami. Parler les douilles. J'ai connu une vie de guerre et rien ne t'appartient. Boy, de ce fuck, fuck ce système de chien. Tu portes pas des coups, tu finiras en chien. Yeah. Yeah, sous mes sourcils, je vois mon avenir en textile. C'est sûr que Conte, l'unique, le créateur, le puissant. Yeah, négro, ma flow fait danser le chétan. J'ai le chétan. Mon ami, tu sais, la putain de Sensi, la qualité City. Ok, yeah. Pour les gars de Cité Vacoin, les délire. Gars de Toulouse. Yeah. T'inquiète, mon ami, on représente, on est là. On rejoue pas les steaks. T'inquiète, ok. Je te dis, je joue pas le steak. Yeah. T'inquiète, mon ami. Ok, c'est Toulouse, c'est Popo. Gatchek, carré, Popo. Ok, connais. Yeah, Lego. Radba, Redba, je suis Rabat Boy. Poto, tu regardes de travers, tu vas te faire fumer. Faut pas te vexer, Targo, je le mets une banane. Tu rap banal, vilain sur le corniche, normal. Fais te péter, on s'en bat les pètes la tête avec un pédo. Bitch, you suck my fucking balls. 2h du mat, fantomas en mode sonné. Faut pas déconner, la galère, je la connais. Appelle les connais. On s'en parle, va te faire enculer, GPV, va pas pas plaquer. Tu y es, tu y es, GV, tu y es, claqué, plaqué, lingué, léger. MC, t'es mort, on va annoncer ton décès. Elle a masqué la mort, te regarde niquer. De Paris à Dakar, je fuck les radars. Bande de fils de bâtard, vous êtes trop au retard, c'est trop tard. Khalifa rap trop rad boy. Va te faire vite. Fais danser les canards. Fais-moi porter MC Boy le brassard. Tu vis une life de merde. Lascar. Yeah. Faites péter, nous on s'en balait. Et faites péter, nous on s'en balait. Ferme ta gueule. Et j'ai dit ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Et j'ai dit ferme ta gueule. Nique mouk. Ferme ta gueule. Posé avec Yahya Algérie, boy boy, ferme ta gueule. Rien à foutre, on pète le rap game. En direct de Toulouse, ma gueule, pète le rap game. Vas-y, ferme ta gueule. Faut pas nous énerver, faut pas nous chercher. On fait du sale sur l'instrumental. Ça fait pète le mental. Fume du Zamal, ça vient de la Réunion, yeah. Ok. Canal Sud, 92.2. N'hésitez pas à appeler 05 61 53 36 95. Délire. Voilà, on est ouvert à toute discussion. Al, tu m'entends Al? Oui, on t'entend. Est-ce que tu peux mettre du reggae? Du reggae? Excuse-moi, avec tout le respect que je me dois. Ouais. Mais fuck non, moi. Pour les auditeurs ou pour les auditrices. Je veux dire de la merde, mais fuck le reggae quoi. Non. J'ai dit de la merde, j'avoue. Ouais, mais on est j'ai dit de la grosse merde, la grand merde, c'est moi. Voilà le reggae. On est des real Ganjaman, Ouais, fuck moi, fuck le reggae. Alors, mets-moi du hip-hop, du pur hip-hop, tu vois. Ça c'est pas du pur hip-hop, je te l'ai remise là deux fois, non, c'est trop. Yeah. D'accord, attends. Ok, ouais. Ok. Yeah, les gars, les gars. Ok, c'est les du go. Lourd. Lego. Come in my hood, nigga, nigga, smoke weed every day. Yeah, I'm a fashion killer, I'm a young killer. Come in my hood, bang bang killer, clash nigga, nigga. I am a fun killer. Yeah, fuck your mother, fuck your sister, fuck your dad, boy. I don't give a fuck. I'm a rapper man, I'm a gangster boy, I'm a b boy, I'm a western boy. Sang tank, bang bang. Ok, c'est bang bang, ici c'est Toulouse. Tu connais c'est bang bang, mon ami c'est Toulouse. Moi je passe un petit mot pour les gars qui fument du béto. Les gars, Toulouse en palo, tu connais, t'inquiète. Les arènes, bagatelles, t'inquiète. On est là, on fume des tailles, t'inquiète. On joue pas les steaks. Ok, mon ami, ok, c'est la scène si qui nous conduit, okay. Tu connais, okay. Dans notre vie, je suis trop radical, là. Oh putain. C'est du lourd. Je suis trop radical, je suis trop radical. Viens moi check si t'as la dalle. Viens moi check si t'as la dalle. J'ai connu une vie galérienne. Viens moi check si t'as la dalle. Yeah, elle est mon bifal. 1, 2, 3, les jaloux. 1, 2, 3, rafale. Tu finiras au marigot seul. Les jaloux, je les enterre jusqu'en enterre. Tous nos smikers, y'a pas de darlos, faut pas blague. Je vais tuer, je vais claquer. Les gros, j'suis un black negro. Yeah, la rue essaie quand même de me faire. MD, okay. T'as pas de la MD, yeah, okay. Ça fait délirer. Faut pas négocier, okay. Non, faut qu'à négocier. Tu connais Wakone, yeah, Réunion, tu connais Martini, Guadeloupe, yeah. Guyane, boy. Ok, ok, mon ami, olé, olé, mon ami, olé, olé, olé. En mode d'Espagne, en mode Toulouse, ok. T'inquiète, ça rôde sur l'instrumental. On est là, en mode mal. Tu connais sur la lyrique, ça me pète ton mental. Tu connais, t'inquiète, c'est pas trop légal. Mon ami, viens parler, viens pas tester. Mon ami, t'inquiète, ça cause pas. Mon ami, dans ma putain de vie. Tu connais, pas de la dîle la fée. T'inquiète, mon gars. Ok, big bang killer. Bang bang killer. Et y'a rien, tu connais. Je vais te faire bouffer tes nouilles. Fais pas nous casser les couilles. Moi je veux du black et ma biatche. Je veux du black et je vais braquer. MC, je vais trouer, je vais te claquer, plaquer. Mes punchlines sont trop rates sans respect. Oula, je vais te faire la misère. Voilà. Toujours déter. Tu vois là. Ma fuck, hein. Ça m'en fout. Ok. Boah. Ah ouais. Lion. Heureusement qu'on a un DJ. Lion. Yeah. On s'en bat les couilles. Faut s'y caler des fonds, on s'en bat les couilles. Ok. Yeah. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Faut s'y caler des fonds, on s'en bat les couilles. Bat les couilles. Et on s'en bat les couilles. Mon ami. Bat les couilles. Et on s'en bat les couilles. Bat les couilles. Bat les couilles. Bat les couilles. Et bat les couilles. Excusez-nous, désolé. Mais nous, on s'en bat les couilles. J'arrive, je mets le rap game. On bat les couilles du rap game. Avec les rap, tu connais. Viens pas nous causer, trop poser. Colos 31, ça dit quoi? C'est quoi les pailles? Voilà, j'arrive, tu tailles. Dakar 221, cassez mon de racaille. Pousse-toi, je pose, pose avec mes paroles, saignant. Fais mon steak, saignant, j'te rapporte excellent. La vue dans mon dilo, la vérité au bout de mon stylo. J'suis pas à ton niveau, négro. Je fume ta conso, je t'explose, tu vas finir marigot. Les jaloux, je les enterre jusqu'à l'enterre. Retourne à l'école, élémentaire, primaire, fuck gueule, célibataire. Pépère, on fait du sale, on fait du mal. C'est l'instrumental, j'ai vu vous ragar, ragar mal. Tu te retrouveras dead à l'hôpital. Hey bitch, je te fais comme des légendes d'arçon. Mets du glaçon dans mon whisky jeans. Tonight, tu pas clean. Tu te mesures, boy, à la taille de mon jean. Je sors mon calash, tu vas te cocher. Je vais déclencher Mirai Belfontaine. Rainerie, pas cartel. À Toulouse, on est les boss. Sortez tous vos crosses. Ça va tuner, ça va tuer. Ça va claquer, ça va tirer. Oh, bang, bang, kill. On les bat que les condés. Nous, on s'en bat les nips. Les condés, hein. Bang, bang, kill. Mon ami en mode deal. T'inquiète, on part en mode vol. T'inquiète, on est là en mode kill. Ok. Moi je te dis, viens pas tester. Ok, Toulouse en ballo, t'inquiète. Mon ami, Mirai, Renry, on est là. Ok, Ina Toulouse, tu connais. Ça fume le Z là, ça descend en Espagne. En mode go fast, en mode Audi NS. Toulouse, t'inquiète, ça joue pas le style. Ok, Toulouse. Okay. Toulouse, y'a pas de Taos. Tu on fais le bon, on t'en tombera à tous. Va te faire avec tes billets, viens pas sympathiser. Toulouse, y'a pas de Taos. On s'en bat les couilles, nique les condés. Je veux être tuné, plein des bandes dans le cul. Je vais prendre les émeux, la CC. On s'en bat les couilles. Les rigueules, fume de la pure qualité. On s'en bat les couilles. Dis-leur qu'ils sont en trop. Alors, j'ai on s'en bat les couilles. Dis-leur, ils peuvent parler. Laisse-leur parler, ne pourront pas me contrarier. J'ai accès. Pour un jamais me rattraper, je vais m'écrier la daronne. Moi j'ai plus rien à foutre de ton avis. Tout détruire mon pote, mais t'es mon pire ennemi. Je connais les vrais, je suis arrivé le dernier. Je vais être le premier. Number one, no matter what, que je sais que tu kiffes. Pas le choix, je parle du pif. Atterrir sur mon étoile, réussir des lingots d'or. Rien à foutre, je rappe trop low, trop logique. Attention, ça va faire mal. Allez, foi et toujours hal. Vos paroles le critiquent. J'esquive la vérité, le courage. Pas de faux qui dans mon entourage. Faut me rappeler qu'on me disait ta papa, papa, papa. Dégage, j'avais la rage, mais pas la haine. Je me suis dit, c'est pas la peine. Tous ces bandes de pistes de pute, des jaloux, je les laisse derrière. Hey, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On fait parler les douilles. Tu connais, on s'en bat les couilles. On est là, ok, ok. Mon ami, on s'en bat les couilles. Yeah, on s'en bat les couilles. On contrôle cette putain de rap day. Je crois que ça va partir en mode. Yeah, yeah. En mode pull up. En mode M4. Pull up ça, mon ami. MD. En mode M4, vas-y. En mode M4. Yeah. Ok. Faites le rap game, j'ai rien à foutre du rap game. Y'en pas les couilles du rap game. Je suis toujours posé. On se trouve dans ton causé. Viens pas nous causer. Tu posais avec mes photos. MDH, c'est quoi tu connais? Hey, passe le big up, tous les rap, mes rappels font des traîneries. Et bagatelle. Passe le big up, sans vous tous, recommence, on s'en bat les. Dès que les connais, nous, on va péter les comicos. Péter les comicos, ça fait fumer le béton. Fait fumer, on se met bien. On est trop loin. Trop. Vous savez, parlez les douilles. Hey, parlez les douilles. Hey, parlez les douilles. Parlez les douilles. Yeah. Ok. Yeah, nigga. Y'a pas de taulous, tu fais le bouton, ton bras à droite. Bas de verre avec tes biens, viens pas sympathiser. Faut pas négocier, on est toujours al. Avec mes refrains, tu connais al. MDA, y'a Algérie, Tunisie, Maroc, Dakar, Galzine. Faut tu connais Réunion, Martine, Guada. Hey, tu connais où sont tous les refrains, sortent tous vos chorus à Toulouse. On est les potions, ça fume, ça bébé, bita, fait fumer ton joint. On se sent trop loin, on en met mais bien, on se met mais bien. Rien à foutre, fuck la galère. On la connaît, passez nos temps à zoner. On la connaît, passez tous nos temps à zoner. Yeah, Toulouse, on s'en bat les couilles. Et nique les condés, et on s'en bat les couilles. Condé, mon ami, viens pas tester. Ok, ça fume de la qualité. Pop, pop, pop, okay. Pop, pop. Tu connais, j'ai tout le passeport. T'inquiète. Yeah. Ok. Your mind. Yeah. été. You know, man. Que dire de lui? Ouais, la France c'est un pays hardcore, ouais. Rien. Système de chien, gouvernement de merde, pas les couilles. Rien. Ouais, les familles crèvent, ce qui jouent dans la rue. Rien. Et t'y vois, Sarko c'est le rien. Ils peuvent pas aider, ils sont là juste pour les tuer. Ouais, va crever. Quand ils se barrent. Va crever, bande de bâtards. Tu connais, on est là, tricard. Tu connais, en mode peinard plus tard. Ok. On est là, en mode ouais, remix. On est là. Et on n'a pas besoin d'instru pour faire ce qu'on a à faire. Canal Sud. On dit ce qu'on est. On dit ce qu'on est. Ce qu'on est. Voilà. Et on n'a pas besoin de mentir. Voilà. On est là. Ouais. Et c'est tout. Et après, voilà, et on chacun est calme. Pense qui, chacun pense ce qu'il veut. Je passe mon dédicace pour tous les Kabyles. Voilà. Si tu veux. Voilà. Moi, même c'est si pour tous les Réunionnais, les Antillais, les mecs de chez moi. Tout le monde. Même les mecs pas de chez moi. Tout le monde. Moi je passe voilà, les big up. Tout le monde, on aime t'as tout vu le monde, nous on aime tout le monde. Tout le monde. Ah ouais, vous savez, moi ouais. Je m'appelle pas MD pour rien, je suis en love quoi. Tu vois. On est tous des frères. Moi je passe les big up à ma daronne. Bisous, je t'aime, tu me manques. Je passe les big up à tout le monde entier. On est tous pareils, hein. Citoyens du monde. Galsen, Français, Réunionnais, Ivoiriens, Algériens, Tunisiens, Soudanais. C'est une nouvelle équipe de Djiboutiens, Ivoiriens, Toulousains. N'importe, on est tous pareils, on est tous humains. En mode. C'est juste les mentales qui sont différents. Ouais, la mentalité. Ouais, les membres. Voilà. Mental. Tu sais, mais si tu comprends la vie, si t'as vu que dans la rue, ouais. Ta mentalité, je te jure, elle est différente. différente. Elle est différente. De la différente norme. Des autres, tu c'est comprends sûr. Tôt. Non, pas des autres. Tu comprends tôt aussi. Parce que c'est nous la norme. Ouais. Et eux, c'est des menteurs. Ouais, des grosses menteurs. On a fait. Des gros menteurs d'enculés de leur race. Ouais. Sale race de loups. C'est des loups. C'est des loups. Mais t'inquiète, nous on a la meute. C'est des loups. Ouais, mais nous on est que des chiens. T'inquiète, les chiens, ils tuent les chiens et les loups, ça tue les loups. C'est comment on dit ça en créole? Des chiens à la riz. Mais des vieux chiens, quoi, tu vois. Vieux chiens qui en veulent, tu vois. Putain, quand vous comprenez, nous on vous respecte, on vous respecte tous, de tout respect. Mais on va vous dire une chose. Vous voyez ce système là? C'est vraiment un système de chiens. Ah ouais. De loups. C'est nous les si chiens. Si t'es pas soi-même, si et tu eux, portes pas tes couilles, c'est les loups. Tu finiras en chien en rien. La banque, c'est ils le ils ont loup. Pas de pitié. C'est le loup. Pas de pitié. T'inquiète. Ils s'en foutent de nous. Ouais, Steven. Ouais, ouais. Ils sont là pour les thunes. Claire. Et après, ils se barrent. Steven. Mais moi, j'ai un petit texte là. Tu connais. Bon, ils croient nous prendre pour des moutons. Mais ça sera sans sommation. En mode révolution. Pour tous les pays de la consommation. En attendant, il faut réfléchir. Se poser pas de questions. Tu connais. Avant de partir. Surtout jamais faiblir. Rectifier le tir. On est là avec mes amis. Trop de gars en mode Nesby. Mais en vrai, tout ça, ça rapporte the bee. Tu connais. Faut penser à la famille, mon ami. Tu connais. C'est la CNC qui nous guide. Mon ami, tu connais avec Al, on est là. On est vénère. Ah ouais. On a marre. On a marre de Al. Vas-y mec. Nique sa mère, Al. Ouais. Nique sa mère, tout le monde. Ouais. Nique tout. Nique tout, nique tout, nique tout. Check it. Nique tout, nique tout, nique tout. Fouille d'Awa, mon ami, t'inquiète. Flaha, Glani, Babylone, Faya. Tu connais les putains de comico, les putains de pélo. Ils croient que nous prendre pour des putains de boys. T'inquiète, c'est le et les cowboys. T'inquiète, moi je vais descendre un jour. Putain de PD, on va tous les niquer. T'inquiète, on va ramener les gars, tu bled. On va pas jouer les steaks. Ok. Steven, je veux te poser une question s'il te plaît. Y a pas de question à se poser. Pas de question, y a pas de question, y a pas c'est de question. Fini, la question. Y a pas de question encore. Tu m'entends pas? Ouais. Non, non. Toujours Al. Je te crois pas. Toujours je t'entends, Al. Je t'entends, t'inquiète. Non, pas assez. Ah. Si, je t'entends. C'est un peu merde. Quand tu fais? Y'a rien. Ouais. Y'a rien, y'a rien, ok. Yo à Walou, mon ami, t'inquiète. Y'a. Yeah. Pas d'un chien. L'Archouma, tu connais. Y'a. Yeah. Ok. Ok. Y'a. Yeah. Y'a. Yeah. A smoking ass nigga. Rubbing me blind, I got a tech nine. Now his smoking ass is mine. Yeah, I guess I felt sorry. For the visit, you are ouais, rock. C'était ça ou c'était rien d'autre. Et je préfère faire ça. Aou! Aou! Est-ce que ça va, Toulouse? Ouais. Ouais, ça va pas. On a rien à foutre de Toulouse parce que nous, on n'est pas nés à Toulouse. Ouais. La moitié des personnes de Toulouse, alors on a rien à battre. On est juste là, putain, Toulouse, c'est cool. Toulouse, c'est même plus toulousain, c'est plus arabe. C'est cool, on est vivant. Voilà. On est des vivant, gens c'est... un peu partout, mais pas il y a ni tout. Tout ce qu'il y a, il y a tout, c'est tout ce qu'il y a. La réponse il y a ni c'est noir. Diversité, c'est quoi. On est seul. Il y a ni blanc. On sera tous on pareil. On est ni blanc ni noir. On n'est même pas gris. C'est pas ça qui est important. Moi, j'aimerais voilà. Bien être bleu. On est jugement juste dernier. C'est pas bleu. Nous qui le verrons. Ou rouge comme le micro là. On est juste humain. Mort. Tu vois. On est juste le humain. Rouge est un peu la couleur du chétan. On est juste humain. Et le rouge et le chétan. Arzlatan. C'est Nuisance, Nuisance, l'émission qui ouais. Nous sens, l'émission de toutes les nuisances sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Vous pouvez retrouver Canal Sud sur le www, donc comme je disais, canalsud en un mot, .net. Net. Et le téléphone, c'est le 05 61 53 36 95. Le 05 61 53 36 95. À toutes 95. Les auditrices, les auditeurs, libre antenne, vous pouvez appeler, on est là, on délire. Contactez-nous. Voilà. Contactez-nous. 05 61 sinon, 53 36 94. Gare. Sinon, gare à tout. Gare au tricard. Gare à la gare. Ça fume des d'art. Et comme je disais, c'est maintenant ou jamais que ça j'envoie celle-ci. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. J'envoie une instru, je sais pas si ça va vous plaire, mais j'envoie okay. Celle-là. Quoi. De toute façon, on s'en fout. Ouais, c'est clair. Tout le sat de sa mère. Voilà, maintenant là, je vais. Yeah, ok. Hein? Putain Dream. L'état nique sa mère. Ok. Yeah. Putain de rêve. Girl, bah. Yeah. La la la la la la. En mode smoke weed, nigga. Réunion. A smoking ass, nigga. Sénégal. Yeah. Algérien. Ok. Tunisie, Maroc. Wouh. Côté voir comme il roule. Fuck up. En mode Nigeria. Aïen. Don't give a fuck. À cause de Sénégal. Ce système. Hein? On a baptisé Wizdo. Mais malheureusement, Montaigne. Beaucoup dans l'ignorance. Hein? Bidjaya. Certains disent des mécréants. Kahba. Montaigne. Moi, je pense à tout ça et je vais fermer front. Arwah Zedlai. Tu connais, en mode Zedlai, mon ami. Kahba. Kahba. Yeah, a smoking ass nigga. Rubbing me blind. I got the check right now. He's smoking. His is mine, I guess I felt the sorry for the bread thing. His was broke, I didn't know. Yeah, he smoked it so I didn't wash my hip clothes. He caught me into the snake. Cheap now, the burger is dead. Yeah, catch him on the street, I'ma bring him to sit feet. Quick, yeah, pass a clip. I think I see him coming now. Fuck me, yeah. Fuck the bullet of me, yeah. Pose deep and let's run him down. Got to be first on to hit. Yeah, when need. Yeah, nigga. Yeah, nigga. Tu connais. En mode Karbazawa. Toulouse. Yeah. Nigga, now back to the smoker that Robbie. Mimi, I tell you, you like. Let's G. Motherfucker, give me body. Yeah, now the teeth can't rest. You tell him to leave me the future. Two very bloody bodies on the street. Yeah, my heart, seen my cheese. See, devil want my soul. The devil want my soul. Yeah, I know the ass come. Yeah, high, midnight. Yeah, to lose. Yeah, yeah. Les gars, yeah man, tu connais, c'est pas du Rasta, man. Yeah. Okay. I got a 9mm Glock pistol, I'm ready to get you at ya. At the drop of a whistle. So make your. Yeah, whistle. Face. Make fuck, your nigga. Your mouth. On passe le salam. And act like. I remember. You wanna flip, I bring luck. Sénégal. My gloves like a fucking mob. Algeria. Yeah, the more I show, the more motherfuckers drop it. In even cups. Got children as they roll it up. Best drum bring nuts, yeah. Get Bobby, I'm a soldier. Yeah, I am the team. Fetch your stick. Ask Trish. He's my whip. I'm treason. Happy trash back. Yeah. Me and I'll drop. Smoke dope. Smoke that. Smoke des sols, mon ami est sol. T'inquiète, y'a pas de Paul, mon ami là. T'inquiète sur la lyricale, on est là. En mode zamal, en mode instrumental, ok. T'inquiète, joue pas le steak, ok. Caché, carré, toujours déterminé. Pour mes guerriers, tu connais. J'étais posé dans ce quartier, ok. Ça jouait pas le steak, mais toujours en mode tête à tête. Sinon, sur la machette, la gâchette, tu connais. Ah oh bah, qu'est-ce qui se passe là? Pull up! Calère. J'ai envie de fionter, alors fionter ça se fait en allemand et la fin de l'instru c'était pas moi, c'était pas ma faute, ok les gars. Salam alaikum. Voilà. Salam. Salam. Alors moi Sartek, frère. Ce que je vous propose c'est soit vous faites ce que vous voulez, soit on fait pas ce que vous voulez. Et qu'est-ce que vous préférez? Moi je peux faire. Mais là c'est carrément plus du lourd. Là ça tire hein. Yeah. Là. À Toulouse, on est les boss. À Toulouse, on est les boss, nigga. À Toulouse, on est les boss, nigga. Mirai, Ben Fontaine, les arènes en panneau, pas qu'ils sortaient tous vos crosses. À Toulouse, on est les boss, yeah. il n'y a pas de barrière, ni barreau, yeah, ni frontière. Donc on gagne, yeah, le terrain est égo, on lâche les chiens. Attention, ils sont armés et dangereux. Rimka pour des jours meilleurs. T'inquiète, hein? Que des dealers, des braqueurs en mode voleur. T'inquiète, escroqueur, un hacker. T'inquiète, yeah. Toujours là dans le turter. T'inquiète, j'ai toujours même pas l'heure. J'suis là et j'galère. T'inquiète, mon ami, c'est comme cette histoire. T'inquiète, le mec il est rentré avec un pistolet. Il a cru nous la mettre. Ce petit en mode tête à tête, en mode braquette, en mode tapette. Moi j'te dis, joue pas la lopette. Yeah. Moi je t'avais dit d'arrêter pas de à l'extérieur, tension bière. Supérieure. Je reste à la hauteur avec la mort comme en tragique. Yeah, qu'est-ce qu'on faut comprendre? Même si les cœurs vont cramer, sache que jamais, oh, je les rends. Yeah, nos frères d'Afrique, on organiserait notre fric. Mais il y a autre in couille, yeah. Y'a poursuite derrière moi, ça grippe un tas de flics. Faut que j'assume, y'a pas à cher, yeah. Y'a pas le jour, non, où on m'a routé. Yeah, j'ai boudé, yeah, c'est comme si on m'avait manipulé, yeah. Enculé, si j'avais pu, je pouvais pourrais tout brûler. Même si je ne pense pas que les CV, yeah, mon heure n'est pas encore sonné. Différente, perpétuée, yeah, perpétuée, yeah. Je suis comme un gobelet, yeah, dans la nature. Je cavale et rate les murs. Je cherche qu'un endroit sûr. Je cherche peu à peu, j'esquive mes sorts durs, yeah. Ok, négro, yeah, j'ai vu plus soin que la censure. Putain d'envie, c'est bien, ouais. Mais moi, Califa, la pourriture, j'arrive au KG, yeah. Malheureusement, de partout, j'ai brisé l'échelle pour ma patrie. Vitry, sur scène, tu connais, Calzen en mode smoke weed. Putain, tricard traqué, tête mise à prix, tête fichée. Je cherchais un bon temps, tout le pays. Sans stress, résumé, dangereux. Tu me coupes la route, c'est bouillant. On ouvre le feu. Ok, yeah, ok. OGP, malheureusement, c'est reparti en couille. Tu connais, c'est reparti en couille, mon ami. Mais là, toujours à Toulouse, on est les boss. Yeah. On est les boss. À okay. Toulouse, on est les boss. On a mis. Et on joue pas les bolos, mon ami. T'inquiète, on bosse, t'inquiète. On joue pas les pélos, t'inquiète. On est là, on joue, on représente. On fout la dawa, on fout la hagla. Nique sa mère, tout ça. Moi je te dis nique tout. Nique tous ces passages qui nous mettent dans l'âge. T'inquiète. Ouais, nique comme moi. Yeah, pas le temps de se lamenter. Va falloir faire preuve de débrouille. Faut surtout pas se faire attraper en vie. Chacun de notre côté, un seul tour, une cité. Pénétrer dans une cage d'escalier pour observer leurs gestes et faits. Agir comme des évadés, surveiller de près par les condés. Hey, cette fois, décider les poings fermés. Agissons les yeux fermés. Hey, ha, matraquer, puis menotter. Un gamin lui faire la halla. Au commissariat, jusqu'au de toute façon, on n'y peut rien. Il faut comprendre, il faut apprendre qu'il n'existe pas de choix en commun pour faire face à son propre destin. Je continue ma route, la démarche lente, la peur d'être identifié par les voisins. Mes potes me manquent déjà, hey, personne n'est pas à affirmer. Qui ne sont pas de retour au Cap-là. Déjà au grand mot des grands moyens. J'interviens à 113 rue Kamikouls. Quand il le faut, c'est là où je suis présent. Tu connais que moc. Nique que moc. Nique que moc. Nique que moc. Ok, ok. Nique que moc. Courage Joseph. Soldat en cadavre en amartie. Cellule barre des promenades. La justice longue. Cool me sentir, on prend en otage. En mal, je m'évade pour mes assauts. Hey, pour mes assauts, mais un escapade. Je t'ai sauté le grillage, je marche en zigzag, carrière fusillade. Devant moi la liberté, ce n'est pas en mirage. Je revois enfin le paysage. Ça fait tant d'années que je rêve de vivre cette situation critique. La scène aussi hardcore que cette musique. Mon corps est pas trop vite, mon corps fatigue. Je casse ma pub, faut que je fasse le beat. Oh, nique la mère, les remords. Faut pas que je m'endorme, parce que le sommeil c'est le cousin de la mort. Ennemi public comme Jacques Mesrine, Anthony fanatique je détruis. Pour mieux fuck le système, je rédige, j'arrive au QJ. Faut que je m'arrache d'ici à tout prix. Je suis sûr que cette heure-ci, mon nom est signalé de son prix. En voici, j'ai compte à régler, un procureur à slasher. Yeah, des mecs à effacer, une mère embarrassée, enfant de trépasser. Yeah, au QJ, c'était juré qu'on se retrouverait. T'as un voleur texte. Voleur texte. Non. Voleur texte. Lac, lac, lac, lac. Il a fait la règle des textes. C'est une lourde, t'inquiète, c'est une jackpot. Si t'as pas de pote, t'inquiète, mon ami, mange un cul hors lit. Jalousie. Fera des amis. À la vie, à la mort des temps. J'ai réussi, maintenant je suis dehors. Marche avec un œil dans le dos, quel que soit mon sort. Je vois que tout a changé. Les rues n'en sont pas plus les mêmes. Je cours à travers la ville, dans le sud, Vitry, sur scène. Hey, j'irai de police. Yeah, c'est aussi cramé qu'avant. Me demande bien si mes gars sont aussi dans les dents. Chrono 4 heures, c'était rendez-vous. Ghetto, mon nom de code 93. Pour sauver sa peau, elle s'est repartie. Appétit la franchie. Je reprends aux gueules qu'on a cassé. Yeah, et c'est mieux qu'on a franchi. Fini les parois, les cantines et la gamelle. La salle, je t'ématons. Bien que 4 heures du manque de réveil. Puis je dédicace ce morceau à tous les évadés de deux francs. Pénitencier de merde qu'a voulu baiser mon adolescence. Laissez passer les galactiques, trop puissants. Viti la street du mitard, inimitable. Gros titre, gros spliff, trop puissant. Comme les Spurs, rappeur avec plus de ruse, plus de druse. Yeah, plus de druse, plus de druse. Yeah, yeah, frais terroriste, en touriste. Ici le lycée, Jean Massey. C'est pas les choristes mandataires de déterminé vif, rapide. Le rap a pris un lac satif, un scène de couche culotte pour les. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas. Nique sa mère, ok, c'est la galère, ok, c'est la Saint-Pierre, il a Toulouse, ah, pour mes vrais. Ok, viens pas tester, tu connais dans la cité. Ok, ça vend du te chi pour les gars, pour pas franc. Les gars ils te prennent pour un junkie. Mais là je te dis assez là si les regards ici. C'est ça cette vie. Ok, moi je te dis pour mon Africa, pour ma Réunina. Ok, pour mes Guadada ici. Mes Rapsa, Ina Toulouse. Ok. Yeah, yeah, come on Kawan. Ou en deux et demi, toujours. Yeah, coup d'avance sur l'ennemi. 93, c'est trop puissant. Yeah, découpi. Oh putain, vas-y, fini. Je vais aller pisser. Tu sais que tu passes à la radio, mon ami. Yeah. Tu parles à tu vas pisser, ok. T'as un zebi, le mec. T'as un rappeur, toi, t'as un zebi. T'as un zebi, c'est toi qui se barre. C'est fini, là, il reste deux minutes. Mais non, mais vas-y, en attendant. Moi, je t'ai pas rappeur ou la farde d'affaires. Voilà, voilà, on va rouler. Allez, fais-nous. Dis-moi. Ouais, pour les Kabyles, repose-toi un peu. Les Kabyles, non, attends, je peux. Hey, tous les Kabyles qui m'entendent. Là, s'ils entendent Yahya, le gars, il veut même pas chanter un son pour les Kabyles. Demain, c'est la fête des Kabyles. Si... Même pas, il veut faire un il son. Il voudrait, mais peut-être qu'il veut pas, je sais rien, mais c'est pas grave. Excuse-moi, il veut une idée. Tu penses quoi, quoi le flash de Booba et la fouine. Qu'est-ce qu'il y a? Mais on s'en bat les couilles, Booba, la fouine, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu penses quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Comme tu veux. Voilà. Tu veux en faire quoi? Tu te mets sur un papier cul. Moi j'ai toi qui t'es à sa place. Mais là, nique sa mère, Booba, Rof, tout ça, moi je m'en fous. Pourquoi non? C'est pas bien. Nique sa mère. Moi je pense à tous les Kabyles, tu vois, demain, là c'est la fête des Kabyles. Ils veulent entendre une chanson Kabyle, de la bouche d'un Kabyle. Alors faut que t'honores ça, mon frère. Sinon, tu vois, tu vas avoir demain les Kabyles, mon frère. Ils vont te couper la tarse de B.E.C. aussi. Des hachas là, des hachas. C'est pas farda, y'a pas encore d'arba wahda y'a qu'ahba. T'inquiète, frère, mais chante un son, t'inquiète, tu connais. On va passer un son si tu veux un son. C'est blueberry yam yam, blueberry yam yam, c'est burberry yam yam, burberry yam yam. On est là sur le fun mic, on représente, on fout la night. Ok, moi je te dis, n'inquiète, mon ami. Ok, Babylon Fire, ça fait une dizamale. Ok, mon ami, t'es les gars, n'a trop si mal. T'es les gars, ils représentent l'art lyrical. Ok. Tu me fais des cabines, non? Mais non, mais elles sont chantes, elles sont pour. Bah je les chante, avec ça, je chante. C'est blueberry yam yam. Tu connais, y'a pas de yam. Eh, passe-moi le coca, s'il te plaît. Le coca, il est ici. T'es mort, voilà. SB, t'inquiète, Aïssé Lassi, il me regarde ici. Ok, cette putain de vie. Tu connais, c'est le Nesby. Il est où ton pote l'Algérien là. L'Algérien, il n'a pas ni aïen. Ok, le gars, il est en chien. Tu connais, il se traîne. Skin, hein. Comme en mode mesquin. En mode la hesse. Ah ouais, c'est la hesse pour lui. C'est en mode zebi. Mais on parle un peu de toutes les choses. Tu sais, c'est Illuminati qui veut nous niquer. Ces putains de PD. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je les baisse tous ces bâtards. T'inquiète, il veut nous prendre pour des moutons. T'inquiète, ces putains de couillons. T'inquiète, moi je veux les prendre pour des bons. Ok, putain d'Illuminati. Illuminati. Nique sa mère les nazis. Illuminati. Va te faire enculer. Oh, mais moi on est je suis chaud. Bah, ça va être la dernière, les gars. Oh non. Je sais pas. Celle-là elle te va ou yeah. Tu veux quoi? Ouais, ça me va ça. Ouais, ça. C'est du lunatique. Ok. Normal. Yeah. Ok. On est trop défoncé. Mec. Ok. Yeah. Okay. Yeah. Les gars. Yeah, un son de couche culotte pour les MC qui font des coulantes. Yeah, laissez passer les galactiques. Yeah, c'est le nouveau. Yeah, 93 dans sa galaxie. Yeah. remonte-moi, braquette. Mais c'est le 44 Smith and Wesson. Y'a vidé vos poches, messieurs, c'est 93. Je veux le compte en banque. Yeah, à Jean-Marie, messieurs. Yeah, trop puissant comme un K1 en 2,5. Toujours 3 coups d'avance sur l'ennemi. 93, tu connais MDK. Yeah, tu connais MD Khalifa, c'est trop puissant. Yeah, dégoupé la grenade, fait trembler la province. Check it, go. Where you wanna go? Where you wanna go? Who wanna go? Parisienne, les boîtes, c'est conscient. Yeah, trop puissant, délinquant, artiste, braque, le rap, c'est revenu. Yeah, laissez passer les galactiques. Top puissant, vitri, la street, tu fais un mitard. Yeah, une étape, gros titre, gros saut. Pas maintenant, c'est jamais, c'est tout, c'est comme ça. Marque du cul du département. Magic Force, tous non, les barrages, c'est non, y'a pas moyen, y'a pas moyen, on n'y arrivera jamais. 93 score, diplomate à la sauvette, mon flow rempli. Yes, Lesbi, carburant, des voyous brisés comme le pétrole. Oh, go, ouais, chaque grosse pire vitrine, les mecs brûlent, les réels économisent sous le trait. Dans le palace, dans le fumé, super red, c'est pour les gays, hieros. Yeah. Ouais. Les micros dans tes ouais. Fuck it. Chier. Tu me fais fumer. Putain merde. Non j'ai chier. Putain. Ah non. Tu me fais fumer. Ah non. Pas encore. Pas encore une fois. Non ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Tu non. Me fais fumer. Non. Sur Canal Sud. Sur tu me fais fumer. Sud. Jamais. 92.2 Canal Sud. Tu me fais fumer. Jamais. T'entends. Jamais. Tu fais fumer. Jamais. Je te ferai fumer. Tu fais fumer. Jamais. Bois. Tu fais fumer. Fais fumer la bois, s'il te plaît, fais fumer. Fais fumer, fétiser. Les gars, ils sont là en mode posé. Ils veulent me tester. Mais t'inquiète pas de la dilapée. Ok, ok, moi je veux pas tester. Putain de politicien qui veulent nous mettre en chien. Mais c'est putain de panique à rien. Ok, moi là, c'est pas t'inquiète. Je voulais être là. Ok, t'inquiète. S'il te plaît, fais fumer. Quoi? Non. S'il te plaît, fais fumer. C'est qui? C'est FF ça, fais fumer. Fais fumer. Funky Family, FF. Yeah, fais fumer. Yeah. Ok, yeah. Fais fumer. Ah, coupé là. Décadé là, étale. Aïe, al. Où est go? 93, mon arrêt. On y va. À coupé là, mon arrêt. À décalé là. Mon combé. À faux s'envole à Paris. On va décaler à Abidjan, yeah. On va couper, et là à Abidjan, chaud Bamako, à chaud Paris, à chaud Dakar, à chaud Abidjan, chaud Bamako, yeah. À chaud Paris, à chaud Dakar, à chaud Molari avec mon copé, yeah. Avec 93 boy, on a décidé de garder espoir. Nous on a décidé de garder l'espoir. Coupé, décalé, on avance phare, phare et partout, partout. Quand vous pensez devant, devant des gars, les Chinois, on dit non, mais ceux-là se sont dit. Mais t'as de bien, gars. C'est pas ça. Putain, il fait n'importe quoi hier. C'est quoi ça? Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. Fais fumer. I'm a white boy. Fais fumer. C'est bientôt fini, c'est la fin. C'est la fin, non, y'a plus rien à dire. Inch'Allah. On leur laisse la place. C'est la fin. A la prochaine, Inch'Allah. Elle va cramer à 23h. On a bien déliré, les gars, quand même. On va tous cramer. Dernier. C'est le jugement dernier. On va dormir. Dernier qui jugera, ce sera moi. T'inquiète. Demain, on va ramer. Ce soir. Nuisance sonore. Canal Sud. 92.2, les amis. 05 61 53 36 95. Libre antenne. Fumé. On est là. Ouais, plus plutôt très longtemps, hein. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Fumé. Bob, pour vous ce soir sur Nuisance, l'émission qui nuit au sens, ou l'émission également de toutes les nuisances. Toulouse, ça te sa mère. Ouais, ouais. Au fait, nous sommes le 17 janvier 2014, c'est maintenant. ça veut dire quoi? Si je crève là, ça me convient. Rien à foutre de rien, à foutre de rien. Tout ce que j'ai vu. Que dans un monde régi par le crime, si je veux avoir une place en y parlant au présent, je dois devenir criminel, prendre part au trafic d'influence et tout le bordel. Les plus malins y mènent la danse, tous repris, pollués. Les civilisés puent le singe. Vous connaissez James Brown, moi c'est le contraire. Je suis blanc et je suis pas fier. La région.